c'est quoi ça? Une bonne faille, machin. Ah, ils ont enregistré, ils ont enregistré la session, quoi. T'as vu, il y a un MP3 dans la fenêtre de chat. Un MP3 qui a... Il y a un MP3 qui est apparu. Donc moi, par rapport au thème... D'accord. Non mais... Ah bon? Ah mais moi je peux par contre. Moi j'ai les deux. Moi j'ai les deux quoi. Non mais je dois avoir un extrait de la 5e méthode de Beethoven là. La musique, Apple Music. Bon, je mets la symphonie numéro 9. Parce qu'en fait là pour l'instant ce qu'il fait c'est qu'il est branché sur mon micro et je vois pas en fait je sais pas si ça te fait moi dans une jam elle est fichue, bon, ça te fait quoi dans une jam? Non je peux pas, moi non plus. Quand c'est allumé les deux je peux pas. Quand c'est quand il est enfin quand c'est allumé, je veux dire quand on est connecté a priori on n'a pas accès on, ouais, c'est donc ça. C'est genre tu déconnectes et t'as accès. Alors, attends, ouais. Vas-y. Ok. Ok. Donc du coup, tu... Tu vois des choses pour faire marcher? Non, mais je pense que je vais utiliser mon autre ordi, ça sera plus simple. Olivier, t'es là? Ouais, c'est moi. Bah non, en fait, là je vais voir ton message, mais on n'entend rien. Ok. D'accord, bah enfin je... Ouais. Ouais. D'accord.